Ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste, n'est-il péché que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne laisse? Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. Reste chez toi, vieillis sans moi, ne m'appelle plus, efface-moi, déchire mes lettres et reste là. Demain peut-être tu reviendras. Geste d'amour et de tendresse, tels deux oiseaux en mal d'ivresse. Les grands amours n'ont plus d'adresse quand l'un s'en va et l'autre reste. Sont-ils chagrins dès qu'ils vous blessent? Au lendemain de maladresse, les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. De tristes adieux, que d'illusions. Si c'est un jeu, ce sera non. Rends-moi mes lettres et reste là. Demain peut-être tu comprendras. Lorsque l'un part et l'autre reste.